formation en descente. Est-ce vraiment leur tour? Est-ce le passe archipel ou juste le vent qui chante? Les stars autour de nous, les questions nous dérangent. Faut-il croire en nos craintes ou juste laisser partir? Bribe d'infos incertaines, l'avenir va nous dire. Les marées montent et descendent comme les dos d'ici. Les vagues qui nous attendent, les réponses en sursis. Un passe qui mystifie, ou à l'esprit aussi. Les îles de la magie, ensemble on survit. Faut-il croire en nos craintes ou juste laisser partir? Prive d'infos incertaines, l'avenir va nous dire. Un passe qui mystifie, ou à l'esprit aussi. Les îles de la magie, ensemble on survit. Faut-il croire en nos craintes ou juste laisser partir? Bribe d'un